Le lièvre aux olives par Fortuné du Bois Gobet. Après le dîner, nous prenions le café sur la terrasse du château. La nuit était venue et la lune, qui se levait, commençait à éclairer doucement un paysage fait à souhait pour le plaisir des yeux. Un bois de chênes, des bruyères fleuries et la mer à l'horizon. Le général venait d'allumer un énorme cigare et lançait silencieusement de grosses bouffées qui montaient vers le ciel en spirale bleuâtre. Sa femme, assise près de lui, roulait une cigarette. Nous fumions tous, mais personne ne parlait. Elle avait 15 ans de moins que son mari, la générale. Elle était encore très belle, et plus d'un parmi nous envia le sort de ce vieux soldat que, nous autres bretons du voisinage, nous connaissions fort peu. Nous savions qu'il était riche et qu'il avait vaillamment servi, jusqu'au jour où une grave blessure reçue au siège de Paris l'avait forcé à prendre sa retraite. Mais nous n'en savions pas davantage. Il avait acheté le château après la guerre, mais il ne l'habitait que depuis 6 mois, et c'était la première fois qu'il nous invitait, si bien que nous étions tous un peu intimidés. Le médecin du canton, qui avait été jadis sous aide-major à l'armée d'Afrique, se risqua à lui demander de nous raconter ses campagnes, ou tout au moins une de ses bonnes histoires militaires qui facilitent la digestion en désopilant la rate. Le général se fit un peu prier. Mais après avoir interrogé d'un coup d'œil sa femme, qui lui répondit par un sourire encourageant, il commença ainsi. « Quelqu'un de vous, messieurs, a-t-il jamais mangé du lièvre aux olives ? Non, n'est-ce pas ? C'est un plat dont les cuisiniers français ne connaissent pas la recette. Moi, je la possède, et je vais vous dire et comment je l'ai apprise. » Ça date de loin, car ça date du jour où j'ai vu le feu pour la première fois. Je sortais de Saint-Cyr, et j'avais eu la chance d'entrer d'emblée aux Zouaves. Je débarquais à Alger un mois avant la première expédition de Kabylie. Dans ce temps-là, nos colonnes n'allaient pas bien loin en pays ennemi. Il s'agissait tout bonnement de donner une leçon à une certaine tribu des Flissas qui perchent dans les montagnes, à une quinzaine de lieues d'Alger, mais nous savions que ces sauvages se battaient comme des enragés et que la position serait dure à enlever. Beau début pour un sous-lieutenant de 22 ans. Je ne me sentais pas de joie, mais je me demandais tout bas quel effet me ferait le sifflement des balles. Il me tardait d'essayer. Je fus servi à souhait et j'y pris d'abord un plaisir extrême. Notre première affaire s'engagea sur le bord d'une rivière qu'on appelle l'Isère et qu'il nous fallut passer à gué avec de l'eau jusqu'aux épaules. Les Kabyles tiraient sur nous de très loin avec leurs longs fusils à pierre et les balles passaient à 10 pieds au-dessus de nos têtes en faisant une musique charmante. Il y en avait qui chantaient comme des flûtes. Et pendant qu'ils nous canardaient à distance, ils furent pris en pleine par notre cavalerie. C'était un drôle de spectacle de les voir courir à toutes jambes devant nos spahis, qui, sans se donner la peine de les sabrer, les empoignaient par le haut de leur burnous, qu'ils enlevaient comme on enlève un gant, et les laissaient tout nus. Je me disais, décidément, c'est très amusant la guerre. Le lendemain, il fallut en rabattre. Les Flissas étaient remontés sur les crêtes et nous attendaient. Nous avions bivouaqué au pied de la montagne. On partit avant le jour sans sonner le réveil. Nous espérions les surprendre, mais ils étaient sur leur garde. J'avais le pressentiment que ça allait chauffer et je me tâtais. J'avais peur d'avoir peur. Nous grimpions depuis 1 heure par un sentier fait pour les chèvres et l'aube commençait à blanchir le ciel lorsque le coup de fusil d'une sentinelle kabyle partit au-dessus de nous. Il me semble encore l'entendre, ce diable de coup de fusil. Et pourtant, je n'ai entendu bien d'autres depuis, sans compter les canonnades prussiennes. Il me remua de fond en comble, mais ce ne fut pas long. Mon capitaine cria « En avant !» et nous nous lançâmes au pas de course. Un instant après, je faillis trébucher sur le cadavre de l'homme qui avait tiré. Un de mes zouaves l'avait éventré d'un coup de baïonnette et il était étendu, les bras en croix, en travers du chemin. Mais je ne m'arrêtai pas à l'examiner, car on nous fusillait de tous les côtés et cette fois les balles portaient. Le feu le plus vif partait de quelques maisons en terre glaise, des cahutes où nos paysans ne voudraient pas loger leurs porcs. Un quart d'heure après, nous arrivions sur une espèce de plateau couvert de broussailles et là, on se battit longtemps. Enfin, nous restâmes maîtres de la position, mais rien que dans ma compagnie, il manquait 11 hommes à l'appel et à la fin de la journée, mon capitaine me donna l'ordre de les chercher. Me voilà parti avec une escouade de zouaves. Nous retrouvâmes sur le terrain 5 morts et 4 blessés, mais ce n'était pas mon compte. L'idée me vint que les deux autres étaient peut-être restés dans les maisons d'où nous avions chassé les Kabyles, et l'idée était bonne, car à la porte de la première que je visitais, gisait le cadavre d'un de mes hommes. Je le fis enlever et j'entrai dans un enclos où je ne vis d'abord que les quatre murs, car ces niches à Kabyles n'ont pas de fenêtres et il n'y faisait pas très clair. Mais quand mes yeux furent accoutumés au demi-jour, je découvris un autre mort. Celui-là était couché au pied d'une immense jarre en terre cuite et il avait dû être tué à bout portant d'un coup tiré en pleine figure car il était méconnaissable. On emporta le pauvre diable et je m'en allai ravi d'avoir fini ma corvée lorsque le bruit d'un coup de feu m'arrêta court. C'était dans l'intérieur de la maison qu'on avait tiré. Mes hommes s'y précipitèrent, et ils y trouvèrent leur sergent, étendu dans une mare de sang, le front troué par une balle. C'était inexplicable, puisqu'il n'y avait là personne. Un vieux zouave découvrit le poteau rose. Ils se mirent trois pour renverser la jarre maudite. Elle tomba en répandant des flots d'huile et en jetant sur le sol un grand coquin de Kabyle qui tenait à la main un long pistolet dont le canon fumait encore. Il essaya de se relever, mais on l'assomma à coups de crosse. Le général était là de son récit quand sa femme se leva tout doucement et rentra dans le salon. Je pensai qu'elle avait dû entendre bien des fois son mari raconter sa première campagne, ou encore qu'elle trouvait sinistre cette histoire où il n'était question que de gens massacrés. Quoi qu'il en fût, le vieux guerrier continua imperturbablement sans s'inquiéter de la disparition de son épouse. Alors je compris ce qui s'était passé. Au moment où ma compagnie enlevait le village, le Kabyle, n'ayant plus le temps de fuir, s'était caché dans ce vase colossal. Il avait dû avoir de la peine à y grimper, mais il avait trouvé moyen de s'y accroupir et il était resté là, plongé dans l'huile jusqu'à mi-corps, les deux mains levées à la hauteur de sa tête, un pistolet chargé dans chacune, tout prêt à brûler la cervelle au mal avisé qui montrerait son nez à l'orifice de la jarre. Et ceux de mes zouaves étaient venus successivement se prendre au piège. La peau de ce gredin nous coûtait beaucoup plus cher qu'elle ne valait, mais il ne pouvait plus assassiner personne, et il ne me restait qu'à faire demi-tour avec mon escouade. « Mon lieutenant, me dit le caporal, là-bas, dans le coin, il y a encore une cruche. » Il y en avait une en effet, mais celle-là n'était pas de taille à abriter un homme. J'y allais voir pourtant, et je vous donne en mille à deviner ce que j'y trouvais. Une fille de 5 à 6 ans, habillée d'un pantalon de soie et d'une chemisette de gaze, coiffée d'une calotte de velours brodée de sequins et jolie comme un amour. Elle ne jeta pas un cri en me voyant, au contraire, elle me tendit ses petits bras chargés de bracelets d'argent. Je l'enlevai comme une plume et je la montrai à mes hommes. Ils n'étaient pas tendres, mais elle se mit à leur sourire si gentiment qu'ils s'écrièrent en chœur. « Faut la rapporter à la mère Champoreau, qui aime tant les mioches !» La mère Champoreau, c'était notre cantinière, une brave à 3 poils, qui comptait 15 ans de service, 12 campagnes, et qui ne s'était jamais consolée de la perte de son fils unique tué à la prise d'Alger. La vie me parut bon à suivre, et je revins au bivouac de ma compagnie, chargée comme une bonne d'enfant. J'y fus bien reçu par les camarades, qui firent fête à la petite. Elle n'était pas intimidée du tout, seulement elle ne savait pas un mot de français. Mais l'interprète du maréchal vint l'interroger et lui raconta son histoire. Elle n'était pas kabyle, elle était arabe, et elle s'appelait Baya. Son père, un homme de grand-tante, ce sont les nobles de ce pays-là, avait été envoyé en mission chez les Flissa par l'émir Abdelkader, et elle ne savait pas ce qu'il était devenu pendant la bataille que nous venions de gagner. On le retrouva le lendemain parmi les morts. La fillette nous resta. On la confia aux soins de la cantinière jusqu'à la fin de notre expédition, qui ne fut pas longue. À notre rentrée à Alger, je demandai à me charger de son éducation. J'en avais bien le droit, puisque c'était moi qui l'avais découverte au fond d'un pot, où elle serait morte de faim, si je ne l'en avais pas tirée. Je la plaçai chez les sœurs, qui tenaient un pensionnat d'orphelines. « Mais, mon général, vous ne nous parlez pas du lièvre aux olives ?» interrompit ce gourmand de docteur, que les aventures de Baya intéressaient beaucoup moins qu'un bon plat. « J'y arrive !» Nous nous étions tous couverts de gloire, mais nous mourions de faim et il s'agissait de souper. Un de nos zouaves avait attrapé un lièvre. Nous n'avions pas de broche pour le faire rôtir. Notre cuisinier, un débrouillard fini, se chargea de l'accommoder à une sauce de sa façon, une sauce dont il avait recueilli les ingrédients sur le champ de bataille. Il nous le servit bouilli et farci d'olives, de ces olives que les Kabyles conservent dans de l'huile rance. Où les avait-il trouvées ? Nous le sûmes trop tard et nous fîmes largement honneur à ce plat inédit. Mais quand il avoua qu'il sortait de la jarre où avait mariné 4 heures le brigand qui nous avait tué 2 hommes, il y eut des estomacs qui s'insurgèrent. Le mien était solide et je digérais les olives au kabyle. Mais mon capitaine en fut malade et s'en prit à moi qui n'en pouvais mais. Il m'en a voulu longtemps et les mauvaises notes qu'il me donnait m'ont empêché de passer le lieutenant au choix après ma première campagne. Hein, major ? Conclut le général en regardant d'un air narquois l'ancien sous-aide. Vous n'aviez pas prévu la fin de mon histoire. Vous comptiez apprendre à votre cuisinière une nouvelle recette. Vous voilà bien attrapé. Le docteur baissait le nez et nous rions sous cap. Si nous revenions à la petite Baïa, dis-je timidement, oserais-je vous demander ce qu'elle est devenue ? Baïa, messieurs, répondit le général en nous montrant sa femme qui venait de reparaître à la porte du salon de plein pied avec la terrasse. Il y a 25 ans que je l'ai épousée et je vous la présente. Ainsi s'achève Le Lièvre aux Olives par Fortuné du Bois Gobert.